Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 138e émission de Osez Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 31. Et un petit changement derrière la vitre de la cabine ce soir avec Super Marlène qui assure la régie en remplacement de Maxime, qu'on retrouvera très bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, une première, donc voilà, une exclusivité extraordinaire. Je suis sûr que ça va super bien se passer. On était toujours en compagnie de Nicolas Gardel et les Headbangers pour ce générique Bacchus qui nous accompagne déjà depuis 5 ans. Et puis, donc, pour cette rubrique générique qui démarre comme d'habitude cette émission, eh bien, je suis allé vous dégoûter un petit film de 1990 qui s'appelle Hotspot, un film présenté comme un thriller d'un érotisme brûlant, signé du grand réalisateur américain Dennis Hopper, un des grands garçons issus de la vague hippie des années 60-70 et qui faisait les films un petit peu à sa manière. Et celui-ci ne déroge pas à la règle, il est un petit peu contrôlé quand même par les studios à l'époque, donc c'est très très joliment filmé, très bien, mais bon, il reste quand même un style et un charisme du réalisateur qui est vraiment très particulier dans ce film. Il arrive même à rendre intéressant un garçon comme Don Johnson qui joue le rôle principal d'une sorte de garçon qui vient régler ses comptes dans un petit village des États-Unis. Il est accompagné également de Jennifer Connelly et Virginia Marsden qui jouent les deux autres rôles principaux. Un film qui a connu un succès relatif mais dont la musique est absolument exceptionnelle. La musique est en effet signée pour la partie instrumentale de Jack Nitzsche, qui est un grand compositeur de musique de film et également qui a beaucoup travaillé avec des gens comme Phil Spector voire Neil Young également, notamment au sein de Crazy Horse, le groupe qui accompagnait Neil Young à ses débuts, mais aussi une série de thèmes qui apparaissent dans le film et qui sont interprétés, qui s'y sont écrits par Jack Nitzsche, sont interprétés, tenez-vous bien, par Tim Drummond à la basse. Bon, là, vous connaissez peut-être pas forcément, mais bon, c'est quand même un très grand bassiste. Un certain monsieur John Lee Hooker à la guitare et à la voix. Un autre monsieur qui s'appelle Taj Mahal, également toujours à la guitare et à la voix. Deux grands bluesmen. Et puis, pour couronner le tout, ni plus ni moins que Monsieur Miles Davis lui-même à la trompette. Donc une BO qui aura marqué son temps. En 1990, on n'avait plus trop l'habitude d'avoir des géants comme ça qui venaient signer des musiques de films. Et voilà, donc je tenais à faire cette intro sur ce hotspot avec ce morceau qu'on va écouter qui s'appelle End Credits, donc les crédits finaux du film, pour aussi célébrer Miles Davis, puisque je vous le répète déjà depuis quelques semaines, c'est le 100e anniversaire de la naissance de Miles Davis dans un mois à peu près. Et donc c'est pour ça qu'on en écoute aussi régulièrement ces derniers temps, parce que c'est quand même l'une des personnalités qui a le plus marqué la musique. Il y aura d'ailleurs une mini-tournée. Il y aura deux dates en France qui seront faites par Ravi Coltrane, le fils de John Coltrane au sax, et Terence Blanchard à la trompette pour rendre hommage à la fois à Miles Davis et à John Coltrane qui fêtaient tous les deux d'ailleurs leur centenaire cette année. John Coltrane, c'est un peu plus tard dans l'année, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Ils seront le 29 juin au Grand Rex et le 4 juillet à Jazz à Vienne. Donc pour reprendre les thèmes de Miles Davis et de John Coltrane, donc deux jolis concerts à suivre, surtout que à Jazz à Vienne, en plus, après le passage de Ravi Coltrane et Terence Blanchard, il y aura carrément Marcus Miller qui rejouera l'album We Want Miles, l'album live de 1982, avec quelques-uns des protagonistes, Billy Vance au sax, Mike Stern à la guitare, Mino Sinelou aux percussions, et puis Russell Gunn qui lui assurera la trompette. Donc un bien beau rendez-vous que ce 4 juillet de Jazz à Vienne. Mais pour l'instant, on va écouter le end credits donc de ce film Hotspot avec Monsieur Miles Davis, John Lee Hooker, Taj Mahal et Tim Drummond. En 1990, on n'avait encore jamais entendu Miles Davis jouer sur un rythme aussi basique de blues dans la musique de ce film, donc Hotspot, film de Dennis Hopper, où il était accompagné donc de John Lee Hooker, Taj Mahal, Roy Rogers et Tim Drummond, qui assuraient la rythmique, une rythmique bien basique, trois accords, rien de plus, et la trompette de Miles qui se balade là-dessus. C'était vraiment un vrai bonheur de découvrir encore à l'époque, à quelques années de sa mort, un nouvel aspect de Miles Davis. Justement, puisqu'on parle de Miles Davis, eh bien, on va passer au coup de cœur, au premier coup de cœur de cette émission, avec un hommage qui lui est rendu à Miles Davis par le batteur Gregory Hutchinson. Alors, c'est original, un hommage à un trompettiste par un batteur, pourquoi pas. L'album s'appelle Kind of Now, quelque chose comme aujourd'hui. Évidemment, c'est un clin d'œil au Kind of Blue de Miles Davis en 1959. Et Gregory Hutchinson a rassemblé autour de lui quelques-uns des grands musiciens actuels du jazz, notamment Ambrose Adkins Mousiré à la trompette, Ron Blake au sax, Jacob Brew à la guitare, Emmanuel Michael aussi à la guitare, Gerald Clayton au piano, Gerald Clayton que, je le rappelle, on entendra en compagnie de John Scofield le 12 mai prochain en concert à l'Espace Malraux à jouer les tours, donc voilà, tendez bien l'oreille sur le piano, et puis Joe Sanders à la contrebasse, un album dans lequel donc Gregory Hutchinson reprend des thèmes d'un petit peu toutes les périodes de Miles Davis et en refait une lecture avec ses amis du jour du thème de Charlie Parker à Lucha qu'on a écouté il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, à Seven Steps to Heaven et puis des choses un petit peu plus récentes. Et voilà, il passe en revue un petit peu toute cette carrière de Miles Davis en y apportant la sonorité d'aujourd'hui, en continuant et surtout en travaillant sur la rythmique puisqu'il est batteur, il a voulu apporter un petit peu un éclairage sur la manière dont Miles Davis drivait un petit peu ses groupes et en faisait un état des lieux rythmiques à travers cet album, donc Kind of Now. On va écouter pour illustrer tout ça un thème de Wayne Shorter qui était à l'origine sur l'album Miles Miles en 1967. Le morceau s'appelle Orbits et on va écouter ce que ça donne par Gregory Hutchinson et ses amis. Miles Davis, non, pas Miles Davis, Gregory Hutchinson, donc en hommage à Miles Davis dans cet album Kind of Now qui vient juste de sortir, une relecture donc du morceau Orbits de Wayne Shorter qui apparaissait à l'époque sur le deuxième album du fameux quintet des années 60 de Miles Davis. Et c'est justement cette version-là qu'on va écouter maintenant, puisque j'aime bien vous faire des petites comparaisons comme ça entre les différentes versions. Donc ce deuxième album qui s'appelait Miles est sorti en 1967. On y retrouvait donc dans le groupe de Miles Davis Wayne Shorter au sax, Herbie Hancock au piano, Ron Carter à la contrebasse et Tony Williams à la batterie, bien sûr, Miles à la trompette. Et c'était leur deuxième album. Le premier ESP était un petit peu plus sage. Il faut dire que ce quintet avait essayé un petit peu de se mettre en route après le premier quintet de Miles Davis qui avait été établi à la fin des années 50 avec notamment Billy Vance au piano et John Coltrane au sax. Donc il y avait quand même un historique un petit peu lourd à remplacer avec ce nouveau quintet. Donc le premier album était un petit peu sage, ESP, et puis ce deuxième album, Miles, commençait à être un petit peu plus aventureux. Et donc on va écouter cette version donc de Orbits, la composition de Wayne Shorter dans sa version originale, donc sur cet album de 1967 de Miles Davis. Thank you. le Miles Davis Quintet en 1967 dans l'album Miles Miles, donc avec cette version de Orbits. Alors vous avez pu noter en l'écoutant par rapport à celle qu'on a écoutée juste avant par Gregory Hitchinson que la rythmique est beaucoup plus fluide ici, elle est plus régulière dans la manière de jouer, alors qu'elle était plus évolutive chez Gregory Hitchinson. Mais c'est absolument étonnant quoi, d'entendre le swing de Tony Williams là, qui est maintenu en permanence pendant tout le morceau, même quand par exemple Herbie Hancock ralentit un tout petit peu le tempo au piano, il est toujours là à envoyer comme toujours. C'est vraiment magique d'écouter ce quintet de Miles Davis, donc avec Wayne Shorter au sax, Herbie Hancock au piano, Ron Carter à la contrebasse et Tony Williams à la batterie. On va passer maintenant à un autre coup de cœur. On va passer du saxo de Wayne Shorter à celui de Emmanuel Wilkins, un des grands saxophonistes actuels, qui nous livre un live au Village Vanguard. Alors Village Vanguard, grand club new-yorkais dans lequel sont passés tous les plus grands, et lui aussi il va de son petit live au Village Vanguard. Enfin, quand je dis petit, non, c'est un grand live parce que c'est le premier volume d'une série de trois qui vont sortir au cours de l'année, et c'est un véritable bonheur d'entendre ce musicien exceptionnel jouer toujours dans ce petit club. Le Village Vanguard ne s'est pas agrandi au fil des ans, c'est toujours un club qui garde cet esprit club new-yorkais, et donc la proximité du public fait qu'à chaque fois les performances sont toujours à la fois intimistes, et puis la proximité avec le public fait que ça chauffe encore un petit peu plus que dans les grandes salles. C'est toujours très bien d'avoir ça. Il est accompagné de Mika Thomas au piano, de Ryoma Takenaga à la basse et de Kweku Sumbri à la batterie. On n'écoutera pas le morceau en entier parce qu'il est un peu long, mais vous allez pouvoir vous imprégner de cette petite merveille qui est cette reprise d'un morceau d'Alice Coltrane qui s'appelle Sharanam et qu'on va écouter donc dans ses premières minutes. C'est tout de suite maintenant. Thank you. C'était Emmanuel Wilkins, live au Village Vanguard, le premier volume de trois volumes qui vont sortir au fil de cette année, donc dans une composition de Alice Coltrane, Sharanam. Et voilà, ça dure comme ça, je crois, 11 ou 12 minutes. Donc ça monte petit à petit. C'est vraiment un bel exercice, justement, d'évolution d'un morceau à partir d'un riff de piano tout à fait basique. Mais c'est vraiment intéressant à voir se développer comme ça. Il faut signaler quand même au passage qu'Emmanuel Wilkins n'a même pas 30 ans, il est né en 1997. Moi, quand je lis ça, ça me met des complexes, c'est terrible. 1997, mais j'étais déjà vieux. Et voilà, c'était enregistré donc au Village Vanguard. Un autre garçon qui brille aussi de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui est français, lui, s'appelle Clovis Nicolas, et il sort un nouvel album. On avait fait déjà le précédent en 2023 en coup de cœur ici, ça s'appelait The Contrapuntist. Celui-ci s'appelle Blues in Blueprint. Vous allez voir, il y a pas mal de blues, en fait, dans cette émission. C'est un petit peu le thème autour duquel on tourne jusqu'à la fin de cette émission. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, parmi les plus vieux d'entre vous aussi, il n'a rien à voir avec le bassiste Pierre Nicolas, qui était le bassiste, le contrebassiste de Georges Brassens pendant toute sa carrière. Clovis Nicolas n'a rien à voir avec lui, mais c'est un contrebassiste donc né en France, qui a longtemps joué avec les frères Belmondo ou avec Baptiste Trotignon, et puis qui s'est exilé aux États-Unis. Là, il a été remarqué par un autre grand contrebassiste, dont on parlait tout à l'heure, c'est Ron Carter, qui jouait avec Miles Davis donc tout à l'heure sur le morceau qu'on a écouté, Orbits. Et donc Ron Carter a fait en sorte qu'il soit un petit peu introduit auprès de tout le monde. Donc il a joué avec Kenny Washington, avec Herbie Hancock, avec Chris Bower, avec plein de gens. Et il a fait son petit trou comme ça au fil du temps sur la côte est des États-Unis notamment. Et là, il revient avec cet album Blues in Blueprint qui propose 12 variations autour du blues, hein, enfin un blues quand même très très jazzy. Il y est accompagné ni plus ni moins que de Larry Goldings au piano acoustique, un très très grand pianiste. Le batteur, c'est Carl Allen, et puis donc lui, Clovis Nicolas, est à la contrebasse. Donc juste un trio de base. Ils reprennent pas mal de morceaux, aussi bien de blues que de Duke Ellington ou de Sidney Bechet ou de Ornette Coleman. Là, je vous ai sélectionné dans l'album un très beau thème de Wes Montgomery qui s'appelle Twisted Blues, et en fait qui n'est pas tout à fait de Wes Montgomery, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on écoutera la version originale. Ce Twisted Blues donc qu'on va écouter tout de suite par Clovis Nicolas, Larry Goldings et Carl Allen. Thank you. un petit blues bien rythmique que ce Twisted Blues dans son interprétation ici de Clovis Nicolas à la contrebasse, accompagné de Larry Goldings qui fait un boulot formidable au piano. Et puis le batteur Carl Allen n'est pas en reste. Ce qui est bien avec le trio comme ça, c'est qu'on n'a que trois instruments et qu'on les entend tous les trois très très bien, et toutes les petites finesses, toutes les petites subtilités n'échappent pas à l'oreille. Alors c'est pas tout à fait la même chose pour la version originale donc de ce thème que je vous ai sélectionné pour suivre. Donc ce Twisted Blues apparaît pour la première fois dans une version jazz sur l'album Going Out of My Head de Wes Montgomery, le grand guitariste Wes Montgomery. C'est sur un album qui date de 1966 et c'est un album qui est très très très arrangé. Vous allez voir, là ils sont plus que trois, ils sont une bonne quinzaine dans le groupe, avec une très très grosse section de cuivre, quatre trompettes, quatre trombones, deux pianos, basse, batterie, avec du beau monde, puisqu'au piano on retrouve notre ami Roger Calloway qu'on avait déjà entendu, mais aussi, surtout, Herbie Hancock aussi, Georges Duvivier à la basse, Grady Tate à la batterie. Et donc ce morceau donc qu'on va écouter dans cette version là, c'est toujours notre petit morceau Twisted Blues. Et ce morceau, en fait, c'était un morceau de rhythm and blues qui avait eu pas mal de succès par un petit groupe qui s'appelait Little Anthony and the Imperials. Et le jour où le producteur Creed Taylor a entendu ce morceau là, il s'est dit: mais ça, c'est un super morceau qui pourrait faire une belle base pour faire des impros et tout en jazz. Et il s'est dit, il faut que je le garde pour mon petit ami Wes Montgomery. Là, je pense qu'il doit pouvoir en faire quelque chose, lui. Sauf que, bon, voilà, il ne savait pas trop comment amener la chose à Wes Montgomery, qui aimait bien choisir lui-même ses titres et tout. Enfin, toujours ses titres qu'il a réussi à le convaincre. Et que donc ce morceau, vous allez voir, devient carrément un morceau très, très riche, avec donc Wes Montgomery à la guitare, Phil Woods aussi au sax qui l'accompagne, et toute cette ribambelle de musiciens, saxophonistes, trompettistes, trombonistes qui jouent derrière. Et le tout est arrangé par Oliver Nelson, un des plus grands arrangeurs du jazz, donc sorti en 1966 sur l'album Going Out of My Head. Donc on écoute cette version de Wes Montgomery de Twisted Blues. Twisted Blues par Wes Montgomery avec un arrangement d'Oliver Nelson absolument extraordinaire. J'adore ça, j'appelle ça le jazz hollywoodien. Moi, ça pète derrière. Il y a des cuivres, ça renvoie, c'est vraiment festif et vraiment très, très, très, très bon. Je rappelle pour ceux qui auraient oublié ce détail que Wes Montgomery a un jeu de guitare tout à fait particulier. Il joue sans médiator et il joue juste avec son pouce. Il joue pas avec les autres doigts et c'est son pouce qui suit ses doigts de la main gauche. Et qui réussit à jouer à une vitesse absolument incroyable avec un seul doigt. Je ne sais pas comment il fait, enfin bon, j'ai jamais compris. Mais c'est toujours aussi extraordinaire. Puis ça donne cette petite attaque avec la pulpe de la pouce qui n'est pas si une grosse attaque que ça. C'est un petit peu soft. C'est très beau, très réussi. Voilà pour cette histoire de ce Twisted Blues qu'on a vu dans deux versions radicalement différentes. Mais c'est toujours bien de pouvoir comparer comme ça. La petite rubrique à Bacadish pour voir un petit peu ce qui est sorti. Ces temps-ci. Un nouvel album, on y reviendra certainement, de Jean-Pierre Comeau, le clavier de Sixon. Donc ça, on reviendra certainement dessus dans les semaines qui viennent. Il y a un nouveau Lars Danielsson aussi qui arrive, toujours chez Act. Une réédition pour le 10e anniversaire de l'album Stretch Music du trompettiste Christian Scott, puisqu'on parle de Miles Davis. C'est vrai que c'est lui aussi un grand héritier de Miles. Une curiosité, un groupe allemand qui s'appelle Conic Rose, c'est un petit peu dans l'esprit de Mammal Hands, Go Go Penguin ou Bad Not Good. C'est ce style de musique assez planant, jazz assez planant, un petit peu cinématique comme ça, qu'on aime bien ici. Et puis des nouveaux albums encore de Kenny Wheeler, Dave Douglas, Roy Hargrove, et oui, même s'il est mort, il a continué de sortir des albums incroyables. Et puis un nouveau Courtney Pine, le saxophoniste anglais aussi qui arrive, un nouveau Billy Childs aussi, enfin tout ça, on en parlera certainement dans les semaines qui viennent dans cette émission. On va continuer avec les coups de cœur et toujours avec cette petite teinte de blues dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on va revenir avec un guitariste français, Thomas Gaucher, qui est pourtant droitier quand je vois jouer de la guitare, mais bon, voilà, il s'appelle Gaucher. C'est un album qui sort ces jours-ci, qui s'appelle Rusty Ladder. Il est originaire du Poitou-Charentes, dites donc, c'est pas très loin d'ici, hein, ce garçon, hein, on pourrait presque le faire venir un de ces jours. Il a commencé sa carrière avec différents petits groupes, Lavenderwall, Touka, etc. Et puis il a monter un petit peu les échelons et aujourd'hui il nous propose cet album Rusty Ladder, donc l'échelle rouillée, mais lui il n'a pas les doigts rouillés, je peux vous le dire. Il est en compagnie de Gabriel Sauzet à la contrebasse et Lou Godefroy à la batterie, donc on retrouve un thème assez jazz avec une petite tonalité quand même blues. Ça me fait penser pas mal à un autre guitariste français qu'on aime beaucoup ici, c'est Mathis Pascoe, qui avait accompagné Hugh Coltman pendant de nombreuses années et qui continue de le faire d'ailleurs à l'occasion de temps en temps. On retrouve voilà cet aspect qui mélange un petit peu blues, un peu de folk aussi et puis du jazz, et c'est vraiment très très réussi, notamment sur l'album qui donne son titre à ce morceau, qui s'appelle Rusty Ladder et qui est ici capté non pas sur la version de l'album, mais dans une version en live sur un petit festival qui s'appelle Bob City, où en décembre dernier, Rusty Ladder par Monsieur Thomas Gaucher. Thomas Gaucher, Rusty Ladder, extrait de son album du même nom qui sort ces jours-ci, jeune guitariste français qui promet beaucoup avec cette petite sonorité assez bluesy et qu'on va retrouver maintenant dans le coup de cœur suivant puisque l'immense Robin Ford sort un nouvel album qui s'appelle Two Shades of Blue. Robin Ford, une carrière longue puisqu'il a débuté rien moins qu'en... au niveau de la célébrité, rien moins qu'en remplaçant Pat Metheny dans le groupe de Joni Mitchell à l'époque, en 77-78. Donc voilà, c'était déjà un grand pas pour lui. Un garçon qui s'est mêlé justement le jazz, le blues, un petit peu de folk et de country aussi, parfois dans certaines tonalités, et qui continue donc son voyage avec quelque chose qui doit être comme son 20e album à peu près. Two Shades of Blue, cet album a commencé comme un hommage à Jeff Beck. Il voulait faire un album uniquement instrumental dans lequel il rendrait hommage à Jeff Beck. Et puis bon, l'album petit à petit a évolué. Il a fait enregistré une partie aux États-Unis, la partie qui était consacrée à Jeff Beck. Et puis après, il est parti en Angleterre et puis il a rencontré d'autres musiciens. Et puis finalement, c'est devenu un album en deux parties, d'où le titre Two Shades of Blue, deux nuances de bleu. Et l'album a évolué vers quelque chose d'un petit peu plus blues rock. Et puis il est revenu un petit peu à ses amours avec des morceaux chantés. Faut dire que le garçon chante très très bien. Donc on retrouve dessus trois morceaux instrumentaux en compagnie de Daryl Jones, Larry Goldings toujours au piano et Gary Osborne. Larry Goldings qu'on écoutait tout à l'heure avec Clovis Nicolas. Et puis cette partie anglaise dont on va écouter un morceau qui s'appelle Make My Own Weather. Mais quand je dis partie anglaise, ça sonne quand même très américain puisque le clip en plus a été tourné sur les petites routes de Californie, au volant d'une moto. Make My Own Weather, c'est donc extrait de cet album Two Shades of Blue, et on écoute tout de suite avec ça, monsieur Robin Ford. Southern Mexico, and I won't need a leather as I make my own weather. Two wheels to take me out of misery, and blue skies as far as my eyes can see, as I make my own weather. Makes no sense to me. A woman was born to laugh and to love. A man was born to be free, and I won't stand a tether. Cause I make my own weather. I find pleasure and you find pain. See the sunshine and you see rain. Cause I make my own weather. just like a king. 'Cause nobody else gonna rule my world. I'm gonna let my freedom ring, feeling light as a feather. Weather. Two winds to take me out of misery, and blue skies as far as my eyes can see. 'Cause I make my own weather. Yeah, yeah, I make my own weather. Le garçon fait sa météo lui-même, c'est ce qu'il dit dans le titre de la chanson « Make my own weather ». Et je ne doute pas que ce morceau devienne un petit peu un hymne pour tous les bikers américains qui aiment la liberté. C'est Robin Ford, donc extrait de cet album « Two Shades of Blue ». Et j'ai une petite pensée au passage pour notre ami Bernard Salmon, grand amateur de blues, qui animait une émission sur le jazz déjà avant moi sur cette antenne, et qui de là-haut a dû décrocher un petit sourire dans notre direction à l'écoute de ce morceau. Voilà pour l'agenda concert, peu de choses à vous dire, si ce n'est quand même la venue de Rhoda Scott avec son Lady Quartet à l'espace Malraux le 23 avril, en compagnie d'ailleurs de David Lynx et de Hugh Coltman, qui viendront chanter quelques morceaux, parce que d'habitude c'est instrumental, mais là c'est un album en partie chanté qu'elles ont fait, et donc ils seront là sur la scène avec elles. Donc on parlait tout à l'heure de Hugh Coltman. Voilà, vous aurez l'occasion de pouvoir le réécouter donc le 23 avril à l'espace Malraux. Et puis j'en parlais un petit peu plus avant dans l'émission, toujours à l'espace Malraux avec le petit faucheux John Scofield et Gerald Clayton, qui seront là le 12 mai. Et puisqu'on parle de John Scofield, on va finir avec lui cette émission. Avec la réédition ces jours-ci d'un de ses albums un petit peu emblématiques, l'album Meant to Be, sorti en 1991 chez Blue Note, un très très très bel album avec toujours chez lui cette teinte un petit peu bluesy dans son jeu de guitare, qui reste quand même principalement jazz, mais avec un petit peu de rugosité dans le son. Et voilà, pour terminer cette émission autour du blues, il y est accompagné par le saxophoniste Joe Lovano, par le batteur Bill Stewart, et c'est Mark Johnson qui assure la basse. Donc un très très grand groupe. Pour terminer cette émission, le morceau qu'on va écouter s'appelle Big Fan. Je voulais juste remercier grandement Marlène qui a assuré la technique, une première exceptionnelle. J'applaudis là directement au micro pour cette performance. Et puis on retrouvera après Maxine pour une prochaine émission. Mais donc on termine sur ce Big Fan, en vous rappelant aussi que vous pourrez écouter ces émissions en podcast sur www.radioactivefm.fr. Ils sont mis régulièrement par Maxime justement dès la diffusion de l'émission. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, que le jazz soit avec vous, et on se quitte avec John Scofield, extrait de Meant to Be. Le morceau s'appelle Big Fan.